travail, faut faire fort pour pas faire. Si l'on t'est bien pensé, égoïste pas peine en souffrir. Si l'on t'est bien réfléchi, égoïste pas peine avancer. Nous mêmes nègres la caille, nous complexés, et puis nous égoïstes. Tant pour progresser, faut plus penser à mettre des unions. Toute bagaille facile, c'est nous mêmes autres qui rendent l'impossible. C'est pour nous mettre tête ensemble, pour nous faire travail la marche. C'est pour nous mettre tête ensemble, pour nous faire travail la marche. Dans la commune, et puis l'autre 4 doigts, il y a des estomacs, il y a des soupes.